mama Sayud. Et il a tout achevé. Na kamaliza yote. Et aujourd'hui, na leo, je peux m'approcher du Père. Naweza kukaribia baba. Avec assurance. Nikiwa na uhakika. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Nikiwa na roho ambayo imetakaswa na dhambi mbaya. Merci Seigneur. Asante Bwana. Pour le Saint-Esprit. Kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Pour ton amour incommensurable. Kwa ajili ya upendo wako usio na kipimo. Bénis cette réunion. Bariki mkutano huu. Et accorde-nous grâce pour grâce. Na ututendee neema juu ya neema. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Bien-aimé, nous voulons prier pour notre nation. Tu vas invoquer le Seigneur pour la RDC. Utamwita Bwana kwa ajili ya Congo. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Cinq minutes pour la RDC. Dakika tano kwa kuombea Kongo. Tu peux élever l'autel de Jésus-Christ dans ces cinq minutes. Unaweza kuinua madhabahu ya Yesu Kristo kwa dakika hizi tano. Au-dessus de toutes les autels. Au-dessus des autels maléfiques. Juu ya madhabahu maovu. Au-dessus des autels diaboliques. Juu ya madhabahu ya kishetani. Élève l'autel de Christ dans la nation. Inua mazabahu ya Kristo ndani ya taifa. Et que cet autel écrase tout le reste d'autel. Na hii mazabahu unavunja mazabahu mengine yote. Les autels de la méchanceté. Ile mazabahu ya maovu. Les autels de la destruction. Mazabahu ya kuharibu. Rabashakata balarabu meshota. Sata bashaka kurito kurobo sarabaya basi. Igo gaba baba shaka takara da baba. Ika karaba santara kurobo basila. Nous avons le regard fixé sur toi, car tu es le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Tu es le Dieu à qui l'on se réfugie, on n'a pas hâte de fuir. Tu es le Dieu véritable. Le sauveur de cette nation, tu es notre roi, notre sauveur, notre Dieu. Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Seigneur, tu es notre espérance en cette nation. L'espérance des nations, c'est toi. On peut compter sur toi, Seigneur. Ô Dieu, les extrémités lointaines de la terre et de la mer comptent sur toi. Les poissons dans la mer et dans l'océan comptent sur toi. Les oiseaux dans le ciel comptent sur toi. Oh, il ne moissonne, il ne sème, il ne moissonne. Mais tu les nourris chaque jour. Les lits des champs comptent sur toi. Et tu les gardes et tu les rends beaux. Seigneur, plus qu'aucune fleur, rocher des âges, qui est semblable à toi? Rocher des âges, qui est comme toi, capable de sauver une nation, capable de relever cette génération, capable d'établir, Seigneur Dieu, la vie et la vie effective. Roi des rois, manifeste-toi. Roi des gloires, étends ta main. Rocher des âges, déploie tes armées. Roi des gloires, déploie tes armées. Déploie tes armées, déploie tes armées, déploie Seigneur tes interventions surnaturelles, élève Seigneur ton autel, à Golgotha tu as tout accompli, tu as tout accompli, tu as tout accompli, tu es le même, tu es le même, tu as tout accompli. Que la vie vienne uzima uje dans les coins et les recoins ndani ya pembe zote. Que ta lumière soit na nuru yako iwe en l'esprit de chaque Congolais ndani ya roho ya kila mkongomani. Que ton salut vienne sur tous les territoires. Que ta droite triomphante se lève contre tous les ennemis de la RDC. Que la puissance et ta grâce couvrent cette nation. Et que tu te lèves, Seigneur, pour glorifier ton saint nom. On t'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Seigneur, déploie ce que tu es dans cette nation. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons nous lever tous ensemble. Nous voulons prier un instant avant d'écouter la parole. Alléluia. Amen. Nous avons vu hier que notre destinée peut être changée. Tuliona jana kwamba hatima yetu inaweza kubadilishwa. Et la destinée est changée petit à petit par les éléments de notre destinée qui sont touchés les uns après les autres. Inabadilika polepole kupitia mambo ambayo inaunda hatima yetu ambayo inabadilika moja kwa nyingine. Vous avez compris que notre destinée c'est une composante, c'est un assemblage, c'est un ensemble de beaucoup d'éléments. Tulielewa ya kwamba hatima yetu ni ujumla mambo mengi. Et parfois l'ennemi ne sait pas tout renverser à la fois. Na mara shetani ajui kuharibu yote kwa mara moja. Il agit par l'approche sournoise. Na anakuwa kitenda kwa kisiri. Et il touche chaque élément à la fois. Na nagusa kila jambo. Les uns après les autres. Moja nyuma ya ingine. Sans que tu te rendes compte. Hata hautaelewa. Que tu es en train d'être écroulé. Ya kwamba uko naanguka. Ou alors dérouté. Ama uko natoka ndani ya njia yako. Nous voulons passer quelques instants dans la prière. Tunatafuta kupitiza wakati fulani ndani ya maombi. Vous voyez dans le passé, mnaona siku zilizopita. Depuis que tu as connu le Seigneur. Tangu ulipomjua Bwana. Ton cœur a été attaché à la sainteté. Moyo wako kambatana na utakaso. Tu voulais être saint. Unapenda uwe mtakatifu. Mais depuis un temps, na tangu wakati, tu constates, unagundua que tu es dans des compromissions. Ya kwamba uko ndani ya machafuko. Mais tu t'es rendu compte plus tard. Lakini umeelewa hiyo nyuma. L'ennemi a commencé à changer ta destinée. Adui ameanza kubadilisha hatima yako. Comme notre destinée, nous voulons la vivre avec Dieu. Ndisi tunapenda tuishi hatima yetu pamoja na Mungu. Il y a des piliers de notre vie. Kuna nguzo za maisha yetu. Qui permettront que nous puissions effectivement la vivre. Ambazo zitaruhusu tuziishi kwa ukweli. C'est comme la sainteté. Ni kama vile utakaso. Que l'ennemi attaque et change à compromission. Ambao shetani anashambuliana na igeuze na kuwa kufanya machafuko. La crainte de Dieu. Ni kama vile kumwogopa Mungu. Que l'ennemi change. Ambao adui anabadilisha. Et puis tu deviens menteur. Na kisha unageuka msema uongo. Tu respectes plus les choses sacrées. Hauheshimu tena vitu ambavyo vime. Tu deviens drôle. Na unakuwa mtu ambaye haeleweki. Mais malheureusement tu ne sais pas. Lakini ole kwako haujui. Tu ne sais pas que tu es en train de devenir cela. Haujui ya kwamba uko na kuwa hivyo. Tu aimais le travail bien fait. Ulikuwa unapenda kazi ambayo umefanyika vizuri. Mais depuis un moment tu travailles bizarrement, tu t'en fous, tu Lakini fais tangu wakati hauhangaiki unafanya vitu vibaya. Or l'ennemi est en train de toucher un élément après l'autre. Ijapokuwa adui iko nagusa jambo nyuma ya ingine. Jusqu'à ce qu'il va se rassurer qu'il a déjà touché tous les éléments. Mpaka atakapohakikishwa ya kwamba amegusa mambo yote. Bwana asifiwe. Amina. Vous savez, lorsque vous tolérez une telle chose dans votre vie, mnajua unapovumilia jambo kama na hili maisha ni mwako. Vire même dans un angle de demi millimètre. Na inakuweka ndani ya kapembe kadogo. Vous ne sentez pas la différence. Hautambue utofauti. Mais à 5 pas, lakini kwa hatua tano, le 1 mm deviendra environ 3, 4, 5 cm. Ile milimeta moja itageuka kuwa centimeter moja ama mbili. Que au lieu de vous retrouver dans cette ligne, na utagundua ya kwamba pale ukuwe ndani ya mstari huu. Vous êtes quelque part là. Umeshakuwa pembeni huko. Mais vous vous confortez encore parce que vous avez l'impression que vous allez quand même vers l'est. Sababu uko na wazia uko naendea mashariki. Mais vous n'êtes plus sur vos rails. Lakini hauko tena kwenye njia yako. Nous voulons prier. Tunatafuta kuomba. Je vous ai dit le matin. Niliwaambia asubuhi. Que nous puissions méditer sur notre vie. Tutafakari juu ya maisha yetu. Et d'essayer de repérer les choses ou les domaines que le diable a déjà grignoté. Na tuone mambo ambayo shetani amesha kuumiza. Hallelujah. Amina. Certains étaient sérieux. Walikuwa watu wazuri. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Mais tu te rends compte que tu n'es plus sérieux avec Dieu. Na unagundua ya kwamba uko tena mkamilifu pamoja na Mungu. C'était fort dans la prière. Kuna ambao walikuwa nguvu ndani ya maombi. Mais tu te rends compte. Lakini unagundua. Que tu es devenu faible dans la prière. Ya kwamba umegeuka dhaifu sana ndani ya maombi. C'est l'ennemi qui est en train d'écraser ou d'éteindre une lampe après l'autre de l'ensemble des lampes de ta destinée. Ni adui ambaye iko nazimisha taa moja kisha nyingine ya ile mataa zote za maisha yako. De sorte que bientôt il y aura plus rien. Ili muda ujao hakutakuwa tena kitu. Bwana sifiwe. Amina. C'est pourquoi prenons quelques minutes. Ndio maana tuchukue dakika fulani. Tu vas regarder attentivement. Utaona kwa uangalifu. Dans ta vie. Ndani ya maisha yako. Il y avait une certaine croissance. Kulikuwa kukoma. Mais ta vie stagne maintenant. Lakini maisha yako imebaki fasi moja. L'étape suivante. Hatua inayofuata. Tu vas te rendre compte. Utagundua ya kwamba. Que tu n'es plus même plus. Hauko tena hata. Quand on te dit allons à l'église. Wanapokuambia twende kanisani. Tu raisonnes deux fois. Unaanza kufikiri mara pili mbele uende. Tu étais clairvoyant. Ulikuwa mwangalifu. Il y avait une grande lumière de Dieu en toi. Kulikuwa mwanga wa Mungu mkubwa ndani yako. Mais maintenant il y a comme des ténèbres. Tu es comme dans le flou. Giza. Unakuwa kama uko ndani ya giza. C'est comme tu es dans un flou. Ni kama vile unakuwa ndani ya giza. Tu perçois plus les choses spirituelles. Hautazame tena mambo ya kiroho. Tu avais même certaines capacités spirituelles. Ulikuwa hata na uwezo wa kiroho. Tu pouvais voir des choses. Ungepaswa kuona mambo. Maintenant ça a disparu. Lakini imetoweka. C'est l'opération diabolique de te changer ta destinée. Ni kazi ya shetani ili abadilishe hatima yako. Alléluia. Amina. À un moment tu étais focalisé. Kuna wakati ulikuwa naendea lengo. Si les choses importantes de ta vie. Kwa ajili ya mambo ambayo yalikuwa ya maana maishani mwako. Mais maintenant tu es dans la distraction. Lakini sasa umezubaa. Ou alors tu es engagé dans toutes les autres choses secondaires. Ama umejitoa ndani ya mambo mengine ambayo yanakuja kwa mara ya pili. C'est ce qui est important pour ta destinée. Na iliyo ya maana kwa ajili ya hatima yako. Ne te dit plus rien. Haikuambie tena kitu. Tu es occupé par les autres choses. Unaanza shughulika na mambo mengine. Ce sont les attaques sournoises ni mashambulizi ya kisiri contre ta destinée ili zipiganishe hatima yako qui cherche à changer ta destinée zinazotafuta zibadilishe hatima yako. Alors tu veux prendre quelques minutes. Sasa unaweza kuchukua dakika kidogo et méditer na utafakari et puis nous allons prier na kisha tutaomba. Si tu veux t'agenouiller tu y vas. Si tu veux kama unapenda piga magoti unapiga. Mais assure-toi lakini uhakikishe que tu récupères ya kwamba umekamata tena le rail de ta destinée njia ya hatima yako. Assure-toi uhakikishwe que tu te débarrasses ya kwamba umejiachanisha que tu te dégages ya kwamba umejiacha huru tout ce qui essaye de te nuire et de t'amener ailleurs na ile yote nayotafuta kukuharibu na kukubebe mbali. Maisha yako c'est ta destinée ni hatima yako. C'est vital d'être dans sa destinée ni vizuri sana ni uzima ukuwe ndani ya hatima yako. Tuombe Bwana. place ici ton trône, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu veux prier le Seigneur. Napenda uombe Bwana. Et dire Seigneur. Na useme Bwana. Je ne veux pas reculer en arrière. Sipendi nirudi nyuma. Tu as payé pour moi. Ulilipa deni yangu. Cela t'a coûté cher. Na hii ilikutoa. Je ne veux pas te crucifier à nouveau. Ulijitoa tena sana, sipendi tena nikutoe upya. Je veux bénéficier et poursuivre ma destinée. Napenda nifaidie na nifuatilie hatima yangu. Tu peux prier avec moi. Unaweza omba pamoja nami. Dit Seigneur Jésus. Sema Bwana Yesu. Tu m'as racheté au grand prix. Ulininunua kwa bei kali. Tu as tout payé. Na ukalipa yote. Tu as tout payé. Ulilipa yote. Tu as tout payé. Ulilipa yote. Mais l'ennemi marche sur moi. Lakini adui ananitembelea. Il veut détourner ma destinée. Na anapenda geuze hii hatima. Il veut changer ma destinée. Anapenda badilisha hatima yangu. Dans ce domaine. Ndani ya uwanja huu. Ce soir. Mangaribi ya leo. Je refuse. Nakata. Que ma destinée soit changée. Hii hatima yangu yenye kabadilika. Je veux l'original. Napenda original. Je refuse les clichés. Nakata kupata ile ambayo imebadilishwa. Au nom de Jésus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Je veux l'original. Napenda original. Je veux l'original. Napenda original. Au nom de Jésus Christ. Kwa jina la Yesu. À partir de maintenant. Tangu sasa. Je veux être attentif. Napenda niwe mwangalifu. Ouvre mes yeux. Fungua afin que je voie les pièges sournois de l'ennemi contre moi. Au nom puissant de Jésus, je renverse ces forteresses, je déracine les semences maléfiques qu'il a déposées en moi pour incliner mon cœur, pour détourner mon attention. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je veux avancer. Je veux aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci de me relever. Et de me ramener sur mes rails dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Vous savez mes frères, mnajua ndugu zangu, ce sujet est très sérieux dans notre vie. Neno hili ni la maana sana maishani mwetu. Notre destinée est ce que nous ne devons pas rater dans la vie. Hatima yetu ni ile kitu ambayo hatupaswi kupoteza maishani mwetu. On a pas deux destinées. Hatuna hatima mbili. Si tu rates ta destinée, ukipoteza hatima yako, tu es dans autre chose. Uko ndani ya mambo mengine. Lorsque Jaebet, wakati Jaebet, dans 1 Chronique 4, ndani ya mambo ya siku ya kwanza ile, alielewa qu'il était dans autre chose. Ya kwamba alikuwa ndani ya mambo mengine. Il a résolu d'aller vers le Yahweh. Akaamua mwende Yahweh. Et il a dit à Yahweh. Na akamwambia Yahweh. Si tu me bénis. Ukinibariki. Autrement. Kwa maneno mengine. Je ne suis pas béni. Mimi sibarikiwi. Si tu étends mes limites. Kama unazogeza mipaka yangu. En d'autres termes, je suis limité. Kwa maneno mengine ninazuizwa. Et si je ne vois plus le malheur? Na kama sione tena mateso. C'est-à-dire je suis dans le malheur. Ni kusema ninateseka. Vous voyez ces deux tableaux là? Mnaona hii ubao mbili. Les tableaux de malheur, kuna ubao wa mateso, limitation, ya kuzuizwa, humiliation, ya kuzarauliwa, etc. Na mambo mengine. Alors que à côté, ijapokuwa ce qui est prévu pour lui, ila ambao umetayarishwa juu yake. C'est un tableau intéressant. Ni ubao ambao ni mzuri sana. Et le verset 10 dit, et Dieu lui accorda ce qu'il demandait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est disposé à t'accorder ce que tu demandes. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Premièrement, tu dois te rendre compte du dégât qui est en train de se faire. Tu dois te rendre compte de ce qui ne marche pas. Arrêtez de vivre vaille que vaille. Acha kuishi kiolela. Aussi longtemps que tu n'as pas perçu, pris conscience que ça ne marche pas, tu n'agiras pas comme Jaébet. Hautatenda kama Jaébeti. Bwana asifiwe. Amina. Dans Genèse, ndani ya Mwanzo 32 je crois. Makumi tatu na mbili ni kiamini. Verset 24. Shaili lake la 22. Nous voyons Jacob qui lutte avec l'ange. Tunaona Yakobo ambaye anapigana na malaika. Lorsque vous regardez le parcours de Jacob, unapoangalia safari ya Yakobo, et nous le prêchons même. Na tunaihubiri hata. Jacob est béni. Yakobo amebarikiwa. Son père l'a béni, Isaac. Baba yake Isaac alimubariki. Il est parti chez Laban. Na kaenda kwa mjomba wake Labani. On l'a roulé plusieurs fois. Na wakamudanganya mara nyingi. Alors qu'il était béni. Ichapokuwa alikuwa amebarikiwa. Et à un moment donné, na kwa wakati fulani, il a compris que ça n'allait pas. Akaelewa ya kwamba mambo hayaendeki. Il a vu son beau-père. Akaona baba mkwe yake. Il lui a dit, je suis en train de grandir. Quand est-ce que je vais travailler pour ma famille? Sikugani nitatumikia jamaa langu? J'ai fait 14 ans pour avoir tes deux filles. Nimefanya miaka 14 ili niwapate wa binti wako wawili. Il commence à prendre conscience, à réaliser que en fait, papa Isaac m'avait béni, mais c'est pas ce que je vis. Ananza kuona kwamba baba Isaka alinibariki lakini sio ninayoiishi. Je vis une autre destinée. Naishi hatima nyingine. Je vis autre chose. Naishi mambo mengine. Que les paroles que mon père avait prononcées sur moi. Ambao ni kinyume na maneno ambayo baba yangu aliongea juu yangu. Et il commence à prendre conscience. Na ananza kuchukua dhamiri. Et puis il décide de repartir. Na kisha anaamua kuenda upya. Et lorsqu'il est en train de repartir chez lui, il doit repasser par Bethel. À un moment, il loue le Seigneur, il dit, na kwa wakati moja kamsifu Bwana akisema, j'étais passé ici avec mon bâton. Nilipita hapa pamoja na fimbo yangu. Maintenant, je forme deux camps. Sasa ninakuwa na kambi mbili. Il avait des serviteurs, il avait na watumishi, des enfants. Alikuwa na watoto. Il avait des cheptels. Alikuwa na nyama. Mais dans son cœur, lakini moyoni mwake, il se rendait compte qu'il n'était pas béni. Alikuwa na gundua ya kwamba hajabarikiwa. J'aimerais dire à quelqu'un, ningependa nimwambie mtu, la bénédiction, baraka, n'est pas seulement les choses physiques. Sio ile mambo ambayo unaweza kugusa. Tu peux être dans l'abondance des biens et des richesses. Unaweza kuwa ndani ya wingi wa vitu na utajiri. Sans être béni. Bila kubarikiwa. Tu peux être dans une abondance de biens. Unaweza kuwa ndani ya wingi wa vitu. Mais à côté, tu es à côté de ta destinée. Lakini uko pembeni ya maisha yako. Notre destinée, hatima yetu, n'est pas prouvée par le nombre de voitures que nous achetons ou le nombre de maisons que nous construisons. Ama na manyumba ambayo tunajenga. Tu peux avoir toutes ces choses-là tout en étant loin de ta destinée. Unaweza kuwa na mambo haya yote lakini ukiwa mbali na le témoin qui va t'aider, shahidi atakayekusaidia, c'est ton cœur. Ni moyo wako. Je parle à quelqu'un. Je namzungumzia mtu. Ton cœur sera en train de te dire, moyo wako utakuwa ukikwambia, de ce côté ça marche. Kwa inga mambo mambo inaendeka. C'est comme si je suis ailleurs. Lakini inawezekana niko fasi nyingine. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Et tu es heureux si tu sais écouter ton cœur. Na wewe ni mwenye heri kama unajua kusikia moyo wako. Arrêtez de faire fi de la voix de ton cœur. Acha kukosa kusikia sauti ya moyo wako. Il faut écouter ton cœur. Ninaomba usikilize moyo wako. Les autres qui vont te voir de l'extérieur vont se dire, oh, moi taweye. Watasema omwelu vraiment. Mais ton cœur lakini moyo wako sera témoin en train de te dire, itakuwa shahidi kikuambia, tu es perdu, tu es à côté, umepotea, uko pembeni, tu es malheureux même. Unateseka. Si tel est ton cas, kama hii ni mambo ambayo unaishi, ressaisis-toi. Wendo kachukue tena. Ne sois pas distrait. Usizubai. Je vous ai dit niliwaambia que le diable est capable de te laisser aller dans quelque chose. Ya kwamba shetani iko tayari kuacha uende ndani ya jambo. Tant qu'il se rassure. Wakati anahakikishwa que ce n'est pas ta destinée. Ya kwamba hiyo sio hatima yako. Beaucoup de gens réussissent. Watu wengi wanafanikiwa. Dans certains domaines. Ndani ya uwanja fulani. Parce que l'ennemi sait. Sababu adui anajua. Que c'est pas ça leur destinée. Ya kwamba sio hii hatima yao. Et il n'est pas gêné. Na hasumbuke. Parce que les choses qui inquiètent le diable, sababu mambo ambayo inamzuru shetani, ce sont les choses que Dieu a décidées sur ton existence et qui font partie, qui constituent ta destinée. Ce sont ces choses qui inquiètent le diable. Ce sont ces choses qui blessent l'ennemi. Mambo ambayo iko ndani ya hatima yako ndio ambayo inamuumiza adui. Les choses que tu fais, même efficacement, mambo unayoifanya hata kwa uzuri, mais qui ne sont pas prévus dans ta destinée, lakini ambayo yakutayarishwa ndani ya hatima yako, n'inquiète pas le diable. Haimusumbue shetani. C'est ainsi que tu vas observer ndio maana utagundua que lorsque tu es dans des choses ya kwamba wakati uko ndani ya mambo et que ça a l'apparence de marcher na inaonekana kama inaendeka, et en même temps ça n'édifie personne, na hapo hapo haimjenga hata mtu. N'avez-vous pas vu quelquefois des gens, ils ont attrapé l'argent, ils sont... mais vous mangez à table, chakula iko tabu tamu. Sunona kuna watu ambao wanakuwa na pesa lakini mnapokula pamoja au sikia hata utamu. Tu as construit ta maison. Umejenga nyumba yako. Tu dors dedans. Na unalala ndani. Et puis tu es malheureux. Na kisa unasikia kama unateseka. Tu es malheureux dedans. Unateseka ndani ya nyumba hiyo. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Nous devons nous rassurer tunapasa kuhakikisha de l'authenticité des choses que nous faisons ou que nous réalisons ya ukweli ya mambo ambayo tunafanya par rapport à notre destinée kufuatana na hatima yetu. Même certains ministères hata huduma nyingi, tu peux être engagé dans un département unaweza kuwa ndani ya kikundi fulani, mais c'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Lakini sio ile ambayo Mungu ametayarisha juu yako. Dans ce département ndani ya kikundi hicho tu risques d'être une épine parmi les autres. Unaweza kuwa miba miongoni mwa watu wengine. Tu risques d'être la porte d'entrée de l'ennemi. Unaweza kuwa mlango wa kuingilia watu. La facilité que le diable trouve pour pénétrer ce département. Ama unafasi ambayo shetani anapata ili aenda kapenyeze ile kikundi. On a dit ceci. Tulisema hivi. Quand les gens chassent les lions, wakati watu wanafukuza simba, et que l'entour veut l'attaquer, na wanamzunguka wanapenda wamshambulie, les lions regardent dans les yeux de ceux qui sont en train de vouloir l'attaquer. Simba anaangalia wale ambao wako wanapenda wamshambulie, pour repérer qui est faible, ili angalie nani ambaye yuko mdhaifu. Et c'est par là qu'il va venir. Na ni hapo ndipo atafikia. Il va se focaliser à celui-là. Ataelekea kwa ule mtu. Pour passer par là. Ili apitie hapo. Et dans un groupe, na ndani ya kikundi, l'ennemi pénètre là où il trouve la faiblesse. Adui anapenyeza mahali ambapo anakuta udhaifu. Bwana sifiwe. Amina. Alors ne sois pas la faiblesse du groupe. Sasa wewe usikue udhaifu wa kikundi. Simplement parce que ce n'est pas ça ta destinée. Sababu sio hiyo hatima yako. Vous voyez pourquoi nous avons besoin de prier. Unaona njisi tunahitaji kuomba. On a besoin de chercher Dieu. Tunahitaji ya kumtafuta Mungu. Alors Jacob, Jacobo, a toute cette histoire des choses, des difficultés, des choses difficiles, mais aussi des réalisations. Anakuwa na hii mambo ambayo ni kama magumu na mambo ambayo ameyafanya. Mais lakini il sent qu'il n'est pas béni. Anasikia kwamba habarikiwe. Et lorsque l'ange de l'Éternel vient le rencontrer, na wakati malaika wa Bwana anakuja kumkuta, il l'attrape. anamshika. Et lui dit, je te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni. Kabla hujanibariki. Autrement, kwa maneno mengine, mon père avait prié pour moi, avait déclaré. Baba yangu aliniombea na katamka mambo. Grand-père Abraham avait déclaré sur lui. Na babu Abrahamu alitamka j'ai mambo acheté le droit de naissance. Na nikanunua haki ya mzaliwa wa kwanza. Mais je ne vis pas ça. Lakini siishi. N'est-ce pas que plusieurs parmi nous si wengi kati yetu avons cette plainte. Wanakuwa na hii mambo ambao wanashtaki. Pasteur. Mchungaji. Ce que je demande, c'est pas ce que je vis. Ninayoomba haiko ndio ninayoishi. La vie que je mène, maisha ninayoishi, diffère ni tofauti à tout ce que j'ai déjà envisagé. Na ile ambao ninatumainia. Est-ce que tu es béni? Je umebarikiwa. Mais si l'ennemi lakini kama adui t'a jeté cette chose que tu vis actuellement comme un os amekutupia ile jambo unayoishi leo kama mfupa pour te calmer ili akutulize et gagner son temps na akombowe muda wake. Chaque fois que le diable gagne son temps dans ta vie, c'est qu'il perd ton temps. Shetani anapokomboa muda wake maishani mwako ni kusema anapoteza wakati wako. Lorsque le chien est en train de laper l'os, wakati umbwa iko na lambula mfupa, son estomac est vide. Il n'y a rien qui entre. Mfuko wa tumbo lake uko wazi, hakuna kitu kinaingia ndani. Mais il est en train de se contenter de ça. Lakini iko nafurahia hiyo. Madame a raconté l'histoire de quelqu'un, un enfant qui avait gardé un os dans les murs. Mama alituzungumzia historia ya mtoto mmoja ambaye aliweka mfupa ndani ya kibambazi na walikuwa ndani au maskini. Qu'un jour ils avaient mangé un poulet et l'enfant a pris son os, il a le tiamu. Dans les fentes du mur là. Wakakula kuku mtoto akavicha ile mfupa chini ya kibambazi. Et chaque fois qu'il mangeait les lukondi, les quoi et tout ce que vous connaissez là. Na kila mara walikula lukondi, maragi. L'enfant récupérait l'os. Ule mtoto alichukua ile mfupa. Et il mettait dans la main ici. Na alikuwa anatia ndani ya mkono wake. Il prenait ce soufufu et mettait dans le lukondi manger. Alikamata ugali yake anaweka ndani ya lukondi. Il avait l'impression qu'il en de manger. Na alikuwa anawazia kama iko na kula nyama ya kuku. Il faisait ça régulièrement. Na alikuwa anaifanya kila mara. Bon, est-ce que cet enfant mangeait la viande? Je ule mtoto alikula nyama? Par la foi. Kwa imani. Il y a des choses kuna mambo dans lesquels le diable nous gare. Ambao ndani yake shetani anatusubalisha. Garage. Il te gare là-bas. Anakusimamisha hapo. Tu as l'impression que ça va. Unawaza kwamba mambo inaendeka. Mais en réalité ça ne va pas. Lakini mambo hayaendeki. Arshwa ya arshwaze. Wana membo kanisa hili. Quand ça ne va pas. Wakati mambo hayaendeki. Décide d'aller chez Jehovah. Amua uende kwa Yawe. Et de ne pas rentrer avant que tu n'aies béni. Na usirudi kabla hujabarikiwa. Jacob dit je te laisse pas sans que tu m'aies béni. Yakobo anasema sitakuacha kabla hujanibariki. Je vais pas te laisser. Sitakuacha. Finalement l'ange décida na kwa mwisho malaika kamua de lui changer de nom. Abadilisha jina lake. En fait il lui pose la question quel est ton nom? Anamuuliza swali jina lako ni nani? L'ange va droit au but. Na malaika anaendea lengo hapo hapo. Une façon de dire à Jacob. Kwa kumwambia Yakobo. En fait ton problème c'est ton nom. Shida yako ni jina lako. Ton nom signifie voleur. Jina lako linamaanisha mwizi. Ou supplanteur. Ama ule ambaye ananyang'anya. Et ton parcours a été un parcours de supplanteur. Na safari yako ilikuwa. C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Sio ile ambayo Mungu ametayarisha juu yako. Lui-même a supplanté. Ye mwenyewe alinyang'anya. Et on lui a fait subir ça aussi. Naye wakamdanganya hivyo. Il veut Rachel. Anapenda Rahel. On lui donne Léa. Na wakampatia Léa. Et quand on lui donne Léa. Na wanapompatia Léa. On lui ajoute un nyongezo. Wanamuongezea. Finalement le jour il a Rachel. Na siku ambayo anakuwa na Raheli. Il y a pas d'enfant. Hakuna mtoto. Et Rachel dit. Na Raheli anasema. Nizalie mtoto kwa huyu mtoto. Tipe mazandre nafa a partir de cette servante. Quelle vie là comme ça là. Ni maisha gani hii ya kugunja gunja. Est-ce que ce n'est pas la vie que tu mènes? Je suis au maïs en bas, on a yaishi. C'est-à-dire, rien n'est correct. Hakuna kitu ambacho kiko sawa. Ta vie, c'est comme un tâtonnement. C'est... Maisha yako ni kama kupapasa, papasa. Ce soir, Mangaribia leo, tu as besoin d'aller vers Jehovah. Unahitaji umwende Jehovah. Vers Yahweh. Mbele ya Yahweh. Et tu lui dis, na unamwambia, je sais, Seigneur, najua Bwana, que tu es capable de tout. Ya kwamba unaweza yote. Que tu connais tout. Na unajua yote. Les zigzags de ma vie, ile ambayo nagunja gunja mama, j'en ai marre. Nimechoka. J'aimerais que ça s'arrête aujourd'hui. Ningependa iishe siku ya leo. Mets-moi sur mes rails. Uniweke kwenye njia yangu. Seigneur, je veux ma destinée. Bwana nahitaji hatima yangu. Je veux les éléments de ma destinée. Napenda mambo inayounda hatima yangu. Je veux pas tâtonner comme après à plein jour. Sipendi ni papase papase mchana kati. Je veux ma destinée. Napenda hatima yangu. L'ange lui dit, Malaika kamwambia, tu seras appelé Israël, utaitwa Israeli, car tu as lutté avec les hommes, maana ulipigana na wanadamu, et avec Dieu, na pamoja na Mungu, et tu es sorti vainqueur, na utoka washinda. Tu as lutté avec Laban, ulipigana na Labani, tu es sorti vainqueur, ukakuwa mshindi. Tu as lutté avec ton grand frère Esaü, ukapigana na mkubwa wako Isaya, tu es sorti vainqueur. Esaü na ukashinda. Maintenant tu viens de lutter avec l'Éternel, na sasa umepigana pamoja na Bwana Yahweh, et tu m'as empêché de partir, na umenizuiza nisiende. Qui est prêt à empêcher Dieu de repartir? Nani iko tayari kumzuiza Mungu asiende? Le tournant décisif va s'arrêter. Hii tuna décisif na karibia mwisho. Mais est-ce que tu as été capable d'empêcher Dieu de repartir? Lakini uliweza kumzuiza Mungu aende? Et que Dieu soit capable de dire, toi tu as lutté avec moi, na Mungu aweze kusema wewe umepigana nami, et tu m'as vaincu, na umenishinda. Dieu, Mungu, un homme, mwanadamu, peut-il te vaincre? Anaweza kukushinda? L'ange de l'Éternel dit, Malaika wa Bwana akamwambia, laisse-moi partir parce que l'aurore arrive, sababu pambazuko la asubuhi linakaribia. Et Jacob dit, na Yakobo akasema hapana, sikuache, je ne te laisse pas, ni leo njoo. C'est aujourd'hui ou jamais. Parfois on dit ce genre de phrases dans des slogans, dans des marches, dans des trucs. Mara tunasema mambo kama na hiyo ndani ya mambo tunayodaniandamo. Dans sa vie de prière, leo ndani ya maisha yake ya maombi, aujourd'hui ou jamais. Qui a déjà dit dans ce tournant, il tournant, njo tournant. Nani ambaye ameshasema ndani ya maombi yake ya kwamba je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. C'est-à-dire, je refuse cette vie. Je veux ma destinée authentique. Je veux l'authentique. Napenda ya kweli. Cette vie qui ressemble à un cliché, je refuse ça. Maisha ambayo inaonekana kama nimetoa kwa mtu mwingine, mimi naikataa. Et que tu te jettes dans la prière. Na ujitupe ndani ya maombi. Certaines fois, lorsque notre cœur atteint cette dimension, mara nyingi moyo wetu unapofikia viwango hivi, jeûner n'est plus un problème. Kufunga iko tena shida. Vous savez pourquoi même l'estomac crie lorsque nous sommes en jeûne? Mnajua sababu gani tumbo inakuwa ikalalamika wakati tuko ndani ya mafungo? Parce que le fardeau n'est pas suffisant. Sababu mzigo haiko haitoshi. Mais lorsque le fardeau est suffisant, lakini wakati mzigo unatosha, dans la dimension de Jacob, ndani ya kiwango cha Yakobo, je ne sais pas si Jacob avait faim cette nuit. Sijui kama Yakobo alikuwa na njaa. À un moment, lorsque nous voulons Dieu absolument, wakati moja tunapompenda Mungu, même l'envie de manger disparaît. Hata tamaa ya kula inapotea. On oublie même que ça fait deux jours qu'on n'a pas mangé. Tunasahau ya kwamba imefanya siku mbili hatujakula. Et ce genre de prière, na maombi kama na haya, Dieu ne le dédaigne pas. Mungu hayadharau. Vous connaissez l'histoire de Anne. Mnajua historia ya Anna. Ils allaient à Shiloh chaque année. Walienda Shiloh kila mwaka. Pour prier. Ili waende kuomba. Et lorsqu'ils ont fini de prier, na walipomaliza kuomba, ils allaient fêter. Walienda kufanya karamu. Et cette année-là, ils sont partis, ils ont fini de prier. Na mwaka ule wakamaliza kuomba. Et ils sont partis fêter. Na wakarudi ili wafanye karamu. Je crois en cours de route, Anna a dit. Na mimi njiani Anna akasema. Attends. Je rentre au temple. Mimi narudi hekaluni. Et elle est rentrée. Na karudi. Elle a prié. Akaomba. La Bible ne dit pas combien d'heures elle a prié. Biblia ituzungumzia aliomba sangapi. Mais il est écrit. Lakini imeandikwa. Qu'elle a prié jusqu'à ce qu'elle a commencé à manquer les mots. Ya kwamba aliomba mpaka akakosa maneno. Toi, tu es encore en train de prier avec beaucoup de Français. Si wao ngali naomba na vifaransa vingi. Ce sont des indices. Hii inaonyesha. Il n'y a pas beaucoup de fardeaux. Ya kwamba kuna mzigo. En fait, c'est des indices que tu n'as pas encore prié. Hivi vinaonyesha kwamba hujaomba. Ou alors que tu ne comprends pas encore ce que tu cherches. Ama hujaelewa ile ambayo unaitafuta. À un moment donné, kwa wakati moja, le mot manque. Maneno inakosa. Et l'esprit. Na roho. Commence à prier. Inaanza kuomba sasa. La Bible dit Anne. Biblia nasema Anna. Était dans un coin. Alikuwa ndani ya pembe. Je crois si c'était à l'arche. Nawaza ingekuwa hapa kwa nisapa. Angekuwa huko ku pembe huko. Ama kule. Elle n'avait même pas besoin de venir au Mazabahu. Alikuwa na hata hitaji ya kuja hapa ku Mazabahu. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Hapa ningependa niseme jambo moja. Lorsque nous venons à l'église, frère, sœur, wakati tunakuja kanisani dada na kaka. L'église partout où tu es assis, c'est l'hôtel de Dieu. Kanisa mahali pote unapokaa ni Mazabahu ya Bwana. Dès que tu entres ici, tu es entré à l'hôtel. Ce n'est pas seulement quand tu avances ici devant. Haiko tu unaposogea hapa mbele. Je veux dire, nitasema, Dieu Mungu n'est pas plus abondamment ici. Haiko tu sana hapa que ici. Kuliko hapa. De sorte que quand tu pries là où tu es, kwanjisi unapoombea mahali ambapo uko, tu as l'impression que Dieu n'est pas suffisamment ici. Unaona kwamba Mungu haiko. Je veux aller là devant où Dieu est plus abondamment. Nitaenda mahali ambapo Mungu iko sana. Alors Anne, sasa Anna, elle priait dans un coin. Alikuwa naomba ndani ya pembe. Et Eli, na Eli, était là. Alikuwa hapo. Où il est venu? Na akakuja. Elle a constaté que me iba derisha isha. Na akagundua le kilte tout déjà fini. Mais c'est qui est là? Na akasema nani ule ambaye yuko hapo? Et puis il voit quelqu'un qui balbutie. Les gens. Na kisa naona mtu ambaye anaongea ongea. Eli s'est dit. Na Eli akasema. Après la prière. Kisa maombi. Ils sont probablement partis fêter, ils ont bu. Hakika wameenda. Et puis celle-là vient terminer son mulombe ici à l'église. Na ule amelewa na nakuja malizia mulombe hapa kanisani. Et je vois ce grand Eli venir devant elle, dit Na huu Eli anakuja mbele yake anamwambia. Mkwe mnamalizia pombe kule nje. Il faut terminer votre boisson là à l'extérieur. Lisez bien le texte. Musome vizuri ile usome. Ça presse là que Eli est en train de dire. Ni ambao Eli iko nasema. Mumko akuyakunya kunya mkanisa hivi mnaleta ma bulevie numu. Vous venez vous amener votre ivresse ici dans l'église. La pauvre répond. Oh, dit, mama na Dieu. Mtumishi wa Mungu. C'est pas que je suis ivre. Sikusema mimi na lewa. Je ne suis même pas arrivé à la fête. Na sikufika hata ndani ya karamu. Mais c'est la douleur sur mon cœur. Lakini ni uchungu ambao umeingia ndani ya moyo wangu. Qui m'a fait parler jusqu'ici. Ambao umeniacha mimi naongea mpaka hapa. Au point que je ne sais plus rien dire. Hata sijue tena la kusema. Au point que mon esprit a commencé à prier. Hata na roho yangu sasa ikaanza kuomba. C'est que tu vois homme de Dieu. Ile ambao unaona mtumishi wa Mungu. C'est l'humiliation, c'est tu vois ma rivale là. Sunona ule mbanda yangu. Eli comprend que Na Eli anagundua ya kwamba. Elle est vraie. Hakika nasema. Parce qu'il pouvait aussi sentir en même temps l'odeur de l'alcool. Sababu angekuwa analewa angesikia harufu ya pombe. Ama ya mvinyo. Il se rend compte qu'il y a rien du tout. Lakini anagundua ya kwamba hakuna kitu. Il sent la pureté dans son cœur. Anasikia usafi ndani ya moyo wake. Et il dit. Na nasema. L'année prochaine, mwaka ujao, tu auras un enfant, va en paix. Utakuwa na mtoto uende kwa amani. Et cette femme a confiance que ce que l'homme de Dieu vient de dire est vrai. Na natumani ya kwamba ile ambayo mtumishi wa Mungu amesema ni kweli. Elle n'a pas dit, ok, merci pasteur. Hakusema asante mchungaji. J'ai programmé de terminer à 18h. Nilitayarisha kumaliza saa 12 magharibi. Je vais d'abord terminer mon programme. Nitamaliza kwanza mpango wangu. Elle n'est pas en train de prier mécaniquement. Haiko naomba na mahesabu nyingi. C'est pas mécanique quand le cœur commence à prier. Haiko na hesabu wakati moyo unaanza kuomba. Lorsque le cœur prie. Wakati moyo unaomba. C'est réel, c'est des prières réelles. Ni maombi ya kweli. Et elle se leva. Nakasimama. Elle partit. Nakaenda. À louer le Seigneur. Akimsifu Bwana. Et l'année suivante, na mwaka ujao, elle avait Samuel. Alikuwa na Samuel. Que Dieu te donne ton Samuel l'année prochaine. Mungu akupatie na wewe Samuel wako. Mais cela ne part pas d'une parole simple du pasteur. Ça commence par une prise de conscience. Que la destinée que je suis en train de vivre ne ressemble pas à ce que Dieu a prévu pour moi. Je dois retrouver ma destinée. Amina. Et quand on a pris conscience, on va chercher l'Éternel. Et quand on a cherché l'Éternel, on le cherche en esprit, en vérité. Et là-dedans, on s'oublie. On lutte, en fait, on voit ce que l'on demande et on oublie le reste. Et le Dieu des cieux, na Mungu wa mbingu, qui cherche quelqu'un à qui exaucer, ambaye anatafuta mtu atakaye mjibu, ne rate pas ce genre de femme ou ce genre d'homme. Hakose kuwajibu hawa wanaume na hawa wanawake. Même s'il n'avait pas prévu de descendre à Goma, hata kama hakutayarisha kushuka Goma, s'il te trouve dans cet état-là, ici dans cette salle, ndani ya hali hii, ndani ya mkutano huu, si les Américains l'ont appelé en Amérique, kama wa Amerika walimuita, ou les Australiens étaient en train de bien l'appeler là chez eux, ama wa Australia walikuwa wakimuita vizuri huko kwake, je vous assure Dieu va descendre ici, na uhakikisha atashuka hapa. Il trouve 2, 3, 4 ici, anakuta wawili watatu waine hapa, atashuka hapa. Juste pour toi. Kwa ajili yako tu. Est-ce que vous savez mnajua, que Dieu peut venir dans une assemblée ya kwamba Mungu anaweza kuja juste pour une personne. Kwa ajili ya mtu mmoja. Juste pour toi. Kwa ajili yako wewe mwenyewe. Et donc, dès qu'il a fini de t'exaucer, na napomaliza kukujibu, il repart. Anarudi tena. Parce que tous les restes des autres sababu ubaki ya watu sont juste en train de faire des prières mécaniques. Wako wanafanya tu maombi na hesabu nyingi. Il prie. Wanaomba. Et Dieu exauce l'autre là qui est sérieux. Mungu anajibu ule mwingine ambaye yuko naomba kikweli kweli. Et puis Dieu repart. Na kisha Mungu anarudi. Et toi tu continues ta prière mécanique. Na wewe unaendelea na maombi yako ya kawaida. Ou tes prières politico-stratégiques. Ile maombi yako ya kiminu nyingi na kisiasa. Mungu anajiende. Et Dieu repart. Pourquoi je vous parle comme ça, mes? Sababu gani nawazungumzia hivi? Nous sommes mardi aujourd'hui. Leo ni siku ya kwanza. Mardi, hein? Ya kwanza. Lundi. On est lundi. Leo ni siku ya kwanza. Il reste combien? Kuna baki siku jusqu'à ngapi? Dimanche. Paka siku ya Mungu. 6 jours. Kuna baki tu siku sita. Uh-huh. Dans ces 6 jours ici. Ndani ya siku sita hizi. Chers amis. Rafiki zangu. Est-ce que quelqu'un peut vraiment prier? Je kuna mtu ambaye anaweza kuomba? On a le programme du matin, tunakuwa na mpango wa asubuhi, le programme de 15h, tunakuwa na mpango wa saa 9, le programme de 20h, na mpango wa saa 2 za usiku. Est-ce que tu peux profiter? Je, unaweza kufaidia? Bon, même en dehors de ce programme là. Hata nje ya hizi mpango. Même chez toi à la maison. Hata nyumbani kwako. Est-ce que tu peux vraiment prier? Je, unaweza kuomba? Est-ce que la prière a essence? Je, maombi inakuwa na maana? Est-ce que tu es dans ta destinée? Je, uko ndani ya maisha yako? Est-ce que ta destinée n'est pas déjà changée? Je, hatima yako haijabadilishwa? Parce que même le fait de ne pas chercher Dieu, sababu hii kutotafuta Mungu, indique qu'il y a des anomalies dans ton fonctionnement. Inaonyesha kwamba kuna mambo ambayo yaendeke ndani yako. Comment tu peux être loin de ta destinée? Namna gani unaweza kuwa mbali na hatima yako? Et tu restes tranquille. Na unabaki na salama. C'est une anomalie? Hii inakuwa mambo hayaendeki. C'est une anomalie? Mambo hayaendeki. Amen. Amina. Amen. Amina. Prenons la deuxième menace. Tuchukue shambulizi la pili. Nous avons dit qu'on va parler de cette menace. Tulizungumzia kwamba tutazungumzia shambulizi saba. La deuxième. Shambulizi la pili. C'est que ta destinée peut être affaiblie. Hatima yako inaweza kuzaifushwa. Affaibli. Kuzaifushwa. Nous lirons dans Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Vous pourrez lire cela à la maison. Unaweza kusoma nyumbani kitabu cha Isaya. C'est l'histoire que vous connaissez de Balaam et de Balak. Hadi 25. Hii ni historia ya Balaamu na Balaki. Israël vient de terminer la course dans la tournée au désert. Israël a memaliza safari yake kizunguka. Ils sont dans les plaines de Moab, c'est-à-dire en face du Jourdain. Walikuwa kwenye milima ya Moab wakiangaliana na Yordani. En face de Jéricho. Ama wakiangaliana na Yeriko. Quand vous descendez de Jérusalem, unaposhuka Yerusalemu vers la mer morte, kwenye hii bahari ambayo ilikufa. Un peu au nord, kaskazini. Vous trouvez là où était Jéricho. Mnaona mahali ambapo kulikuwa Yeriko. Et un peu plus loin, na mbali ya hapo, c'est le fleuve Jourdain. Inakuwa ni mto wa Yordani. Qui aboutit dans la mer morte. Ambao inafika ndani ya bahari iliyokufa. Alors, de l'autre côté, kwa ngambo nyingine, c'était Moab. Ilikuwa ni Moabu. Et Moab, na Moabu, c'était le territoire qui a été donné aux Moabites, qui étaient la descendance de Esaü. Ni eneo ambayo ilitolewa kwa wa Moabu ambao walikuwa watoto wa Esau. Et ils arrivent là-bas, Balak, le roi de Moab. Na wanafika hapo Balaki mfalme wa Moab. Mais c'est cette multitude de près de 604,000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Na hii umati ya watu 1604 bila kusabu watoto. Et Balak voit toute cette multitude et dit, nous sommes morts. Na Balaki anaona hawa watu anasema tumekufa. Ils vont tout brouter sur le passage. Watakula yote watakaokuta kwenye njia. Et ils cherchent un voyant. Na wanatafuta monaji. Qui était appelé voyant, mais c'était un serviteur de Dieu. Alikuwa monaji lakini alikuwa mtumishi wa Mungu. Pour dire, maudis-moi ce peuple. Ili asema unilainie hii taifa. Afin que je sois capable de le combattre. Ili niweze kuwapiganisha. Maudis ce peuple. Ulaani taifa hili. Pour que je le combatte. Ili niweze kuwapiganisha. Il veut dire ceci. Anapenda aseme hivi. Regardez le verset 6. Monesha ili la sita. Il dit, viens je te prie. Njoo nakusihi. Maudis-moi ce peuple. Unilainie hawa watu. Car il est plus puissant que moi. Sababu ina nguvu kunishinda. Peut-être. Sazi moja. Peut-être ainsi. Sazi moja kupitia hiyo. Pourrais-je le battre? Nitaweza kuwapiga. Et le chasserai-je du pays? Na nitawafukuza ndani ya nchi. Car je sais que. Sababu najua. Celui que tu bénis est béni. Ule ambao unabariki anabarikiwa. Et celui que tu maudis est maudit. Na unayelaani amelainiwa. Balak sous-attend. Balaki anaelewa que si je combats ces gens ici, ya kwamba nikipiganisha wa watu, sans qu'ils soient maudits, kabla hawajalainiwa, je ne vais pas les vaincre. Sitawashinda. Mais si une malédiction vient sur eux, lakini kama laana inakuja juu yao, cette malédiction, laana hiyo, va les affaiblir. Itawazaifusha. Et si je le frappe, na nikiwapiga, ça va marcher. Mambo itaendeka. Si vous comprenez le raisonnement de Balak. Je mnaelewa hii mafikiri ya Balaki. Donc, ni kusema, il est facile, inakuwa rahisi, de vaincre kushinda quelqu'un qui est maudit, mtu ambaye amelainiwa, que de vaincre quelqu'un qui est béni, kuliko kushinda mtu ambaye amebarikiwa. Si y a quelqu'un qui est béni ici, hapa kuna mtu ambaye anabarikiwa. Souvent, les gens qui utilisent la malédiction, mara watu wanaotumikisha laana, ils jettent des paroles maléfiques sur quelqu'un, wanatupia maneno maovu juu ya mtu, afin de l'affaiblir dans le combat. Ili wamsaifushe ndani ya vita. Dès qu'il est faible dans le combat, wakati anakuwa dhaifu ndani ya vita, ils peuvent alors amener toute la cargaison des malheurs, wanaweza kuleta et des choses sasa bizarres, umati dans wa sa mabaya, vie, mateso, et ils le vainquent. Na wanamshinda. C'est pourquoi, mon frère, ndio maana ndugu yangu, tu dois vérifier. Unapaswa kuchunguza. Pourquoi suis-je pas dans ma destinée? Sababu gani siko ndani ya hatima yangu? Est-ce une malédiction est sur moi? Je kuna laana juu yangu? Est-ce que c'est par quoi je passe est une manifestation d'une malédiction? Je ile ninayopitia inaonyesha laana? Pourquoi les attaques du diable réussissent facilement sur moi? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction sur ma vie? Quand les malheurs viennent dans la ville de Goma, toi tu ne vas pas rater ça. Mais quand les bénédictions viennent, toi tu n'as pas ta part. Si on lance des malheurs sur la ville, tu ne vas pas réussir à s'échapper. Mais quand on lance des bénédictions dans la ville, tu n'as pas de part. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y a une malédiction sur ma vie? Et s'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de ça. La plupart des malédictions sont des effets des paroles prononcées sur nous. À partir des autels maléfiques. Alors tu peux bâtir des autels de Dieu. Et prononcer toi aussi des paroles contre ces malédictions-là. Et tu vas arrêter ces malédictions. Afin que tu sois safe, que tu sois en sécurité, que tu sois fort, de peur que, quand l'ennemi veut t'attaquer, il se rend compte d'avance qu'il ne saura pas te vaincre. Balak dit, ce peuple est béni. J'ai appris leur histoire depuis là où ils sont partis, de l'Égypte. Ils ont massacré des peuples, ils ont supprimé des gens, ils ont vaincu partout où ils sont passés. Et maintenant c'est mon tour. Si je les attaque dans leur état initial de force qu'ils ont des bénédictions, ils vont me massacrer comme les autres. Balak maudit-les pour moi. Et lorsque Balaam va prier, Dieu lui dit, tu ne maudiras pas ce peuple parce que ce peuple est béni. Balak était un serviteur cupide. Balaki alikuwa mtumishi aliyependa fedha. Qui aimait les présents. Ambaye alikuwa anapenda zawadi. Balaam plutôt. Balaam. Et Balak lui a l'a séduit avec des promesses, je vais te donner, je vais. Na Balaki akamdanganya pamoja na ahadi nitakupatia. Et finalement, na kwa mwisho, Balaam n'est pas capable de maudire Israël. Balaam hana uwezo wa kulani Israel. Même son cheval, hata farasi yake, punda yake, va le coincer au mur. Ina ambatana na kibambazi. Et va lui parler. Na itamwambia. Parce que l'épée de l'Éternel était devant. Sababu upanga wa Mungu ulikuwa mbele yake. Et lui dit. Na akamwambia. Je t'ai servi depuis longtemps. Si nimekutumikia tangu siku nyingi. Est-ce que j'ai déjà fait ça un autre jour? Je kuna siku ambayo nimekufanya. Non, je vais te tuer. Oh, nitakuwa. Il y a une épée devant nous. Ça fait déjà deux fois que j'ai esquivé pour te sauver. Un serviteur de Dieu, aveuglé par le présent, il a une destinée. Mais il est en train de te transporter sur autre chose. Et puis Dieu lui dit, j'allais te tuer. D'ailleurs, heureusement que cet âne m'a vu. Et il lui dit, va chez Balak. Et tu diras ce que je mettrai dans ta bouche. Et quand il va, il prononce la bénédiction, bénédiction. Et Balak dit, je t'ai dit de les maudire. Si et il lui dit, mais comment vais-je maudire ce que Dieu a béni? Vous voyez la dimension à laquelle nous devons arriver. Arshua et Arshua. Toi qui me suis dans les médias, tu dois atteindre le niveau où les sorciers, les féticheurs, les occultistes, dans toutes leurs initiatives, quand bien même ils voudraient te maudire, quand bien même ils voudraient faire des choses contre toi, au milieu de leur opération, Ils se retrouvent en train de faire le contraire parce que tu es béni. J'ai dit aux sœurs une fois ici, quand une sœur vit la sainteté et qu'un garçon vient venir la séduire ou la draguer et qu'elle est remplie de sainteté et que le garçon vient, il est déjà séduit, ta vie au loin. Plus il avance, ma idée n'a changé. Les idées commencent à changer. Quand il arrive près de toi, en fait, je voulais te saluer. Vraiment, il n'apprend ni que salimu. Ah, tu es béni. Oh, mais barikiwa. Est-ce qu'il venait te dire que tu es béni? J'ai l'écoute de combien combien me barikiwa. Il voulait te dire que il voulait te coucher avec toi. Alors quoi, n'as-tu pas combien il a combien n'apprend à l'aller là? Mais comment ta vie a atteint cette dimension là? Lakini sababu masaku mefikia kiwango hicho. À court de route. À qui on tient? Quand ces malfaiteurs est en train de venir. Wakati umuovu anatembea anakuja. Mambo yanamgeuka ndani. Les choses changent au-dedans de lui. Arrêtez de nous embêter, chers sœurs. Oh, vraiment. Vraiment, les hommes. Et puis, c'est des hommes mariés. Et si c'était des hommes non mariés, tu allais accepter, donc. Vraiment, si tu es pasteur Niombe, à cause de l'ana. Oh, pasteur, il faut prier pour moi, peut-être que c'est une malédiction. Monte dans la dimension de la bénédiction. Baraka, de telle manière que Wanjisi, les occultistes, Wachawi, regardez ça. Mwangalie, Balaam le dit Balaam anaisema, dans ce texte-là. Ndani andiko hilo, 22. Shaili la 22. Vingt-trois. Tu peux commencer au verset 21. Balaam est en train de prononcer des bénédictions. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a sortis d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et il dit, l'enchantement. Tu peux lire ça avec moi? L'enchantement Kouagouza ne peut rien contre Jacob, ni kitu la divination Hata contre Israël. Mbele ya Israël. Hey. Hey. L'enchantement ne peut rien contre un archoi. Mais l'archoi qui a atteint cette dimension Lakini de la bénédiction. Et elle signifie quoi en fait? Na inamanisha nini? Elle signifie cet archoi qui est dans sa destinée. Inamanisha ule mwanamemba cet archoi qui poursuit sa destinée. Cet archoi qui est à l'intérieur de sa destinée. Lorsque tu es à l'intérieur de ta destinée, l'enchantement et la divination. Elle va essayer, itapima, mais ne saura pas. Lakini haitaweza. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Watakuja kwako kwa kupitia njia moja. Et fuiront par combien de chemins? Lakini watakimbia kupitia njia ngapi? Que mille tombent à ta gauche et 10,000 à ta droite. Elfu anguke kume na elfu ne sera pas atteint. Wewe hautaguswa. Ils formeront des complots contre toi. Watakufanyia njama. Mais ils ne réussiront pas. Lakini hawatafaulu. Et les armes forgées contre toi seront sans effet. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, Mungu, qu'est-ce que tu as fait avec ce peuple? Nini na j'ai béni ce peuple. Nilibariki hawa watu. Ce peuple, c'est mon peuple. Taifa ni taifa langu. Balaam dit, Balaam wanasema, Dieu Mungu est la vigueur de ce peuple. Yeye ni nguvu ya hii taifa. Comme la vigueur du buffle. Kama vile nguvu ya ngombe. Dieu Mungu est la sécurité de ce peuple. Anakuwa ukingo wa taifa hili. Dieu Mungu est la force de ce peuple. Anakuwa nguvu ya taifa hili. Kunini yake. Pourquoi? Il a quoi pour parce pour que ce peuple, peuple est dans le diapason de Dieu. Sababu hii taifa inangaziwa na Mungu. Ce peuple est dans sa destinée. Hii taifa iko ndani ya hatima yake. Mais pour gagner ce peuple, le monde des ténèbres dit, ulimwengu wa giza unasema, il faut les affaiblir. Inaomba tuwazaifushe. Il faut les affaiblir. Inaomba tuwazaifushe. On ne peut pas les attaquer dans leur pleine force comme ça. Hatuwezi kuwapiganisha wakiwa na nguvu hivi. Pourquoi les attaques du diable réussissent dans ta vie? Sababu gani vita vya shetani vinashinda mashani mwako? C'est qu'il est possible que ta destinée était affaibli. C'est pourquoi ça réussit, ça marche. Alors, retrouve la force de ta destinée. Et l'ennemi ne saura pas, il ne saura pas t'écrouler. Il ne saura pas. Reviens dans ta force. Retrouve ta place. Psaume 1:3. Il donne des fruits à sa saison. Il donne des fruits à sa saison. Retrouve ta place. Il est comme un arbre planté. Ce n'est pas un arbre déposé à côté du courant d'eau. Quand tu es déposé à l'église, tu es comme déposé à l'église. Est-ce que tu es planté à l'église? Bon, et puis on peut être planté à l'église, ça ne sert à rien. Est-ce que tu es planté en Jésus? Si tu n'es pas planté, kama ukupandwa, tes racines ne vont pas sucer l'eau du fleuve. Mizizi yako itachukua maji ya mto. Regardez les gens qui font les plantes. Mwone watu ambao wanatengeneza, ils mettent dans un sachet wanatengeneza avec un peu de terre. Na wanatia, tu peux prendre ça et déposer à côté d'un fleuve. Unaweza kuitia karibu na mto, à côté d'un courant d'eau. Karibu na kijito cha maji. Mais c'est dans un sachet. Lakini iko ndani ya sachet. Il faut le planter. Inaomba uipande. Afin que les racines cherchent l'humidité et la sève qui est là-dedans. Na itafute utajiri. Alléluia. Amina. Tu dois être planté dans ta destinée. Unapaswa kupandwa ndani ya hatima yako. Il ne faut pas être déposé dans ta destinée. Hayomba utupiwe. Il faut être planté. Inaomba upandwe. Afin que tu sois capable de donner des fruits. Ili ukue na uwezo wa kupanda matunda. Il est écrit ce feuillage ne flétrit pas. Imeandikwa kwamba majani yake hayanyauki. Pourquoi ça flétrit pas? Sababu gani hayanyauki? Parce qu'il est bien arrosé là-dedans. Sababu anapata maji humo ndani. Même lorsque c'est la période de kipwa. Hata kama ni wakati wa kipwa. De la saison sèche. Wakati wakipwa. Lui, il est bien branché. Yeye anakuwa karibu. Il est nourri. Analishwa. Et il donne son fruit. Na anapana matunda yake. À sa saison. Kwa wakati wake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux te lever ce soir? Tu unaweza kusimama mangaribi ya leo. Et racheter ces quelques minutes qui restent. Na unaweza kukomboa hii wakati kidogo ambao unabaki ili uombe. Levons-nous. Tusimame. C'est comme si vous n'avez pas compris. Et kama vile amukuelewa. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Je kuna mtu ambaye amesikia ujumbe. Qui a compris le message? Nani ambaye amesikia ujumbe? Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Ah, Seigneur, merci. Bwana asante. Quelqu'un peut retrouver sa destinée. Mtu anaweza kupata hatima yake. Quelqu'un peut retrouver sa destinée dans sa force. Mtu anaweza kupata maisha yake kwa nguvu. Quelqu'un qui a perdu sa destinée peut la récupérer. Na mtu ambaye alipoteza hatima yake anaweza kuichukua upya. Écoutez-moi un peu. Mnisikilize kidogo. Je termine cet aspect ici. Namaliza hii jambo. Notre destinée, hatima yetu, est affaiblie par trois choses. Na mambo matatu. La première, ya kwanza, ce sont les attaques maléfiques. Inakuwa ni mashambulizi ya maovu. La deuxième, ya pili, ce sont des épreuves intenses, inakuwa ni vipimo vya kila mara, des difficultés, des oppressions intenses magumu sur ta vie, na ugandamizi njua maisha yako, qui brise finalement ton énergie intérieure dans la lutte. Ambazo zinavunja nguvu yako ya ndani. Et la troisième, na ya tatu, manière d'affaiblir ta destinée, ce sont les informations de découragement que vous allez voir dans Nombre 14. Les espions sont venus. Les douze espions sont revenus à Josué, à Moïse plutôt. Et deux ont dit, na wawili wao wakasema, en fait, les dix ont dit, wakumi wakasema, nous avons espionné le pays, tumepeleleza c'est un bon pays, ni nchi nzuri sana. Tout va très bien dedans. Mambo yote kabisa inaendeka ndani. C'est un pays qui dévore son peuple. Ni nchi ambayo inararua watu wake. Mais, lakini, nous avons vu des géants là-bas. Tuliona majitu huko. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux. Na tulikuwa kwa macho yetu na kwa macho yao. Comme des sauterelles. Kama vile mapanzi. Ces géants-là. Wale watu wakubwa. Ils vont nous massacrer. Wataua. Moïse. Musa. Rentrons en Égypte. Rudi Misri. Des informations qui te font peur. Habari ambazo zinakuogopesha. Par rapport à ta destinée. Kufuatana na hatima yako. Donc, qu'un entre nous, on a de grandes destinées. Kuna wamoja ndani yetu tunakuwa na hatima kubwa. Quand on nous dit tuambia, que nous allons porter le salut aux extrémités de la terre, tutabeba okovu hadi mwisho wa dunia, quelqu'un se dit, mtu anasema, ce pasteur-là ule mchungaji, commence à trop rêver. Hein. Ananza kulota sana. Et quelqu'un dit dans son cœur, na mtu anaanza kusema maoni mwake, nous n'avons même pas encore gagné tout Goma. Atuja pata nafsi zote za Goma. On commence à nous parler des extrémités de la terre. Anaanza kutuzungumzia mwisho wa dunia. Si atuache hapa. Il faut qu'il nous laisse ici. Vous voyez ce langage des 10 espions? Si mnaona hii maneno ya wapelelezi kumi. Et ce genre de personnes parlent aussi aux autres. Na watu wanazungumzia kwa wengine. Et les découragent. Na wanawavunja moyo. Et vous savez ce que ces 10 ont dit? Na mnajua hao wakumi walisema nini? Ils ont dit, wakasema, désignons un chef. Tumu tafute mtu atakaye kwa mwongozi. Désignons un nouveau leader. Tumuweke mwongozi mpya. Comme c'est Moïse, c'est un rêveur. Jinsi huu Musa huwa analota sana. Cherchons-nous un autre chef. Tutafute mwongozi mpya. Rentrons en Égypte. Na turudi Misri. Quand ils ont dit ça, waliposema hivyo, Caleb, Kalebu s'est levé et dit, hey, akasimama na kasema, hey, arrêtez. Usimamishe maneno yenu hapo. Il dit Moïse. Nasema Musa. Ce qu'ils ont dit là, ile ambao wamesema hapo. C'est vrai, c'est un bon pays. Kweli ni nchi nzuri. C'est vrai, il y a des géants. Kweli kuna majitu. Mais ces géants vont nous servir de pâture. Lakini haya majitu yatakuwa majani yetu. Ils deviendront nos machines à travailler. Watakuwa mashini yetu ya kutumika. Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Mungu aliyetutosha Misri. Est avec nous. Iko pamoja nasi. On va marcher sur ces géants. Tutatembea juu ya hao majitu. Et au ciel. Na mbinguni. Dieu a dit. Mungu akasema. OK, vous autres là. Nyinyi hapo. Vous n'entrerez pas. Hamtaingia. D'ailleurs, na tena, au lieu de faire 15 jours pour entrer à Cana, pali pa kufanya siku 15 vous allez prendre le sud. Mutaanza kuendea kusini. Et vous tous. Na nyinyi hapa wote. Parce que ces 10 là. Sababu hawa 10. La Bible dit. Biblia nasema. Après qu'ils aient parlé comme ça. Kisha kusema hivi. Tous les peuples a pleuré. Watu wote wakalia. Les peuples pleurent. Watu wanalia. Moïse, on allait le lapider. Musa walitafuta kumpiga mawe. Et Dieu aussi, elle regardait la scène. Na Mungu mbinguni alikuwa anakiona. Ces gens sont comment même? Au watu wako namna gani? Dieu est en train de s'étonner de toi peut-être. Mungu sasa moja kuna kushangaa. C'est lui qui croyait. Comment cette personne est? J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4 pour lui. Nimefanya jambo moja, mbili, tatu. Comment jusqu'ici il n'arrive pas à me croire? Mpaka wakati huu acha niwelewelewa sababu gani? La sentence était terrible. Hukumu ilikuwa hatari. Dieu dit, Mungu anasema, à partir de 20 ans tangu miaka makumi mbili et plus, na vous tous qui vous êtes permis de pleurer là, nyote mliojiruhusu kulia, et qui vous êtes permis de dire que vous rentrez en Égypte, na ambao mlijiruhusu kusema tunarudi Misri, c'est ok, je suis d'accord, nakubali, vous n'entrerez pas, hamtaingia, vous allez mourir au désert, mtakufa ndani ya jangwa, les petits de 20 ans et moins, na ule mtoto wa miaka makumi mbili na chini, et eux ils vont entrer dans la terre, wao wataingia ndani ya nchi ya ahadi. Et les 40 ans dans le désert étaient juste, Dieu prenait le temps pour supprimer tous ces vieux incrédules. Toute cette génération-là. Moïse lui a dit, Musa kamwambia, si tu tues ces gens ici, kama wawa watu, les Égyptiens vont se moquer de toi. Si wa Misri wataenda, c'est quoi Dieu a dit, ok, je vais les tuer à petit feu. Asema, nitawaua pole pole. Moya kwa moya, moya kwa moya. Un après l'autre. Alors il faut du temps. Na inaomba wakati. Ça a pris 40 ans. Na ikafanya miaka makumi. Et toute cette génération qui est sortie d'Égypte. Na ile kizazi chote qui ont vu les miracles. Kilichoona miujiza. Qui ont pris les bijoux d'or et les diamants chez les voisins. Kilichukua alimasi na utajiri nyingi kwa jirani. Hawakuingia. sauf Caleb et Josué. Isipokuwa Caleb na Joshua. Alors, le diable Shetani nous attaque aussi anatupiganisha par nous faire peur. Kwa kutuogopesha. Et ça affaiblit na inatusaifusha l'énergie ile nguvu que nous avons pour aller dans notre ambayo tunayo ili tuingie ndani ya timaya. Alors tu vas prier sasa utaomba et dire Seigneur na useme Bwana éclaire mon esprit uangazie je veux comprendre ce qui m'arrive napenda nielewe je veux comprendre ce qui se passe avec moi napenda nielewe inayopitikana pamoja éclaire moi uniangazie afin que je sache même comment prier ili nijue hata namna gani kuomba je suis sûr que quelqu'un ne sait plus comment il va prier maintenant najua kuna mtu ambaye hajua ataomba hata namna gani mais tu vas dire Seigneur lakini utasema baba je veux ma destinée napenda hatima yangu si elle a commencé à être changée je vais la retrouver napenda niipate tena si elle a commencé à être affaiblie kama imezaifushwa je vais retrouver la force napenda nipate nguvu et demain on va prendre tous les restes de, des attaques na kesho tutazungumzia on va poursuivre avec les autres bases na tutaongelea misingi prend du temps on a 10 minutes pour prier tunakuwa na dakika 10 kwa kuomba. Tu vas prier comme Jacob ou comme Jaébet. Vas-y, prie le Seigneur.